Ce soir, en version estivale, vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille version estivale depuis les studios de CKRL à Québec, la radio qu'on s'intonise au 89.1 sur le poste radio ou bien qu'on attrape sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver ce soir pour une première émission diffusée au cours de l'été à 20h chaque dimanche plutôt que 21h en saison régulière. Alors, une croche-oreille estivale qui va flirter au cours des prochaines semaines avec les nouvelles musiques et poursuivre la quête du Graal sonore avec des commentateurs et commentatrices qui nous rendront visite à l'occasion dans les prochaines semaines. Alors, cela dit, je vous propose ce soir de magnifiques sonorités. Elles sont tirées de trois démarches artistiques qui ont en commun de nous donner du plaisir à venir pour l'oreille et des propositions qui vont activer les ressorts de nos imaginaires. Et pour lancer cette saison estivale, je vous invite à l'écoute d'un magnifique projet réalisé par les artistes, musiciennes, poètes Marie-Hélène Massy-Aimon et Émilie-Marie Séguin. Le projet s'intitule « Kisakine, Malinki ». Je te promets une forêt. Évidemment qu'il est question de la forêt et de sa profondeur et de sa canopée, mais il est aussi question d'amour et de poésie éco-responsable. J'ouvre les guillemets. Cette forêt, raconte Marie-Hélène et Émilie-Marie, nous nous y sommes retrouvés pour l'écouter puis improviser ensemble. À partir de nos instruments légitimes, nous avons tissé des ponts, trouvé nos points de tension. Nous avons étendu nos techniques, échangé archets et bâtons, mêlé nos souffles à ceux des caisses et des pots du tambour et du violoncelle, à ceux des rivières et du vent qui sillonnent les territoires traditionnels non cédés des communautés Anishinaabe. Alors, on écoute ensemble, je referme les guillemets, alors on écoute ensemble un enchaînement de pièces tirées de ce merveilleux album intitulé « Kisakine, Malinki, je te promets une forêt » de Marie-Hélène Massy-Aimon et Émilie-Marie Séguin. Alors, on écoute un enchaînement de pièces. Thank you. Tout à fait splendide. On vient d'entendre 5 extraits de ce magnifique projet intitulé Kisakin Malenki. Je te promets une forêt. C'est un projet réalisé par les artistes Marie-Hélène Massy-Aimon et Émilie-Marie Séguin. Projet réalisé sur les territoires non cédés de la communauté Anishinaabe. Marie-Hélène Massy-Aimon est une violoncelliste, auteure, compositrice, interprète de la scène abitibienne. Elle se passionne pour la chanson, la captation sonore, les arts visuels. Émilie-Marie Séguin est quant à elle une interprète, musicienne, créatrice de théâtre et artiste visuelle qui crée des œuvres pour honorer ceux qui l'ont précédée et qui viendront après elle au sein de sa culture Anishinaabe. Leur création, qui est Sakin, Ogi Sakin, bon, selon les prononciations, Malinki, je te promets une forêt, et d'ailleurs un appel à l'enfant qui est au cœur de notre démarche, disent-elles, de notre engagement pour le futur. Alors voilà, on écoute un dernier enchaînement de ce projet réalisé, je le souligne, avec la collaboration de l'artiste Robin Servant. Alors on écoute la suite. Thank you. Très beau projet d'Émilie Marie Séguin, de Marie-Hélène Massiémon, paroles de femmes des bois et poétesses. Dans le même ordre d'idées, mais sur un registre totalement différent, je vous présente maintenant un magnifique projet de création aux percussions, des percussions brillamment menées par l'artiste française Camille Émail. Une découverte rendue possible par la connivence du label Tour de bras de Rimouski, qui lançait en juin 2020 ce bel album intitulé « Conversation ». Conversation au pluriel, puisqu'il s'agit de conversations allégoriques avec les animaux, le paysage, les humains, la vie. C'est un projet d'autant plus évocateur qu'il est le fruit d'une collaboration avec l'artiste visuel Bruno Santerre. Camille Émail est une percussionniste originaire d'un village des Alpes-Maritimes en France. Elle a fait ses études classiques au Conservatoire de Nice et de Strasbourg avant de rejoindre la Music Academy de Bâle en Suisse pour se perfectionner en musique contemporaine et en impro. On dit de ses performances dans le magazine Élémentaire, j'ouvre les guillemets, que sur un fil ou dans un écho, entre les gongs et les fûts, les cymbales et les pots, tout cela tient de l'équilibrisme autant que de la sculpture sonore. C'est une architecture à la fois précaire et spectaculaire qui s'y noue, un corps à corps gracile et animal avec une matière sonore qu'elle pétrit ou actionne. Je referme les guillemets. Camille dit considérer toutes ces pratiques de l'art classique comme très actuel, comme autant de composants du monde et de la vie, des cellules, de toutes choses. Je vous propose qu'on écoute un enchaînement de ce beau projet de conversation et on débute ça avec Conversation avec les oiseaux. Vous êtes sur les ondes de CKRL, c'est La Croche-Oreille. On vient d'entendre un extrait d'un très bel album intitulé « Conversation plurielle » de la percussionniste Camille Émail. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Et on poursuit pour une autre écoute de cet album que l'on retrouve sur le label Tour de Bras. Tour de Bras qui est très actif dans la région de Rimouski. Alors, un prochain titre, création de Camille Émail, ça s'intitule cette fois « Conversation avec la rivière ». Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de Camille Émail et son projet Conversation. Alors restez des nôtres, on est de retour après un bref battement promo. C'est René Lucier, puis vous écoutez présentement, à l'instant même, le 89.1 CKRL. RL? René Lucier? Hein, ça marche. CKRL 89.1. Bye bye. Vous écoutez l'accroche-oreille. Alors, on est de retour. Vous êtes à l'écoute de l'accroche-oreille estivale depuis les studios de CKRL au 89.1 au cadran et à ckrl.qc.ca sur la toile. Alors, on entame le dernier segment de l'émission avec un projet réalisé par le regretté Thierry Kessé, un artiste dandy, né en Bulgarie et qui migre en France à l'âge de 17 ans, dit-on, suite à son acceptation au Conservatoire de Paris. On est à quelques années de mai 68. Kessé fréquente Stockhausen, le compositeur, et se lie d'amitié avec Guy Debord et les situationnistes, rien de moins, manifestant le jour et pianiste aux Folies Bergères le soir. Il se passionne pour l'œuvre pianistique de John Cage et d'Éric Satie. Étonnamment, et oui, Thierry Kessé va nourrir un grand intérêt pour l'art sonore et les nouvelles musiques du Québec suite à sa rencontre avec l'artiste Michel F. Côté au début des années 2000. Il va d'ailleurs participer à de nombreuses productions d'artistes sonores d'ici du Québec. Je vous présente ce soir quelques extraits des derniers projets sonores de l'artiste et compositeur Thierry Kessé, emporté par la COVID en janvier 2022. Il avait 73 ans. Comme le souligne Michel F. Côté, Kessé venait tout juste de terminer l'enregistrement d'une série de compositions lorsqu'Omicron a brutalement mis fin à la jubilation. La parution de son projet intitulé « Répare tes fesses » était en cours. Il n'aura pas eu la chance d'en apprécier toute la beauté. Je vous présente ce soir les derniers travaux de Thierry Kessé contenus dans un album intitulé « Répare tes fesses », album réalisé avec la collaboration des musiciens artistes Marie-Claire Forté, Magali Stoll, Alexandre Saint-Ange et Michel F. Côté. Alors, on écoute une première pièce intitulée « 270 000 lampes allumées pour rien ». Thank you.

Très belle création du compositeur d'origine bulgare, naturalisé français, Thierry Kessé, qui a collaboré avec de nombreux Québécois, de nombreux artistes du Québec, et qui nous quittait en 2022 de la COVID. Donc, regretté Thierry Kessé. On venait d'entendre « N'aurait-il pas mieux valu s'en tenir à la pure probabilité? » Tout ça se termine avec un point d'interrogation. Alors, voilà ce qui complète le programme sonore de la Croche-Oreille pour ce soir, version estivale. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres, que vous retrouverez bien sûr sur les plateformes de musique et de sono en ligne. Grand merci à Marie-Hélène Massy-Aimont et Émilie-Marie Séguin, Camille Émail et Thierry Kessé. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir, ainsi que toutes les émissions produites jusqu'à maintenant sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Pour terminer l'émission, on écoute une création de Thierry Kessé intitulée cette fois, ça s'intitule « Lieu élevé et sauvage ». Alors voilà, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 20h, pour une autre aventure sonore. Au microphone, Gaëtan Gosselin qui vous salue.